Alors, bonsoir. Comment transmuter son karma? C'est le titre de cette conférence. Je pense, Daniel, que lorsque on commence à s'intéresser au karma, on commence à fouiller pour savoir qu'est-ce qu'est le karma, plus on fouille, plus on devient mélangé. Aujourd'hui, plusieurs évoquent le fait qu'il y a différentes sortes de karma, ils le séparent en différentes façons, tu es un, tu es l'autre. Mais avant d'entrer dans les différents karmas, j'aimerais peut-être que tu nous brosserais un tableau de quelqu'un qui aurait complètement transmuté son karma. Comment est-ce que cette personne-là ferait? Une personne, disons, de 35 ans, homme ou femme, qui a transmuté totalement son karma. Bon, transmuter totalement son karma, ce n'est pas, il n'y a aucun humain jusqu'à date sur la planète Terre qui l'a fait. C'est-à-dire que tu peux transmuter tout le karma antérieur, mais il restera toujours un assujettissement plus ou moins limité à un karma immédiat. Maintenant, un être humain qui devient totalement ce que j'appelle un homme nouveau, un être humain qui devient ce que Aurobindo appelait un surhomme, un être humain qui devient un animal humain, qui devient un humain, qui devient un être humain, et qui devient un être, lui n'a pas transmuté d'une façon complète son karma. Par contre, il n'est plus assujetti au karma. Et la nuance entre les deux, c'est qu'à chaque fois qu'un problème survient, en même temps que le problème naît, il est réglé. Il y a toujours une forme de karma, mais l'individu n'y est plus assujetti. Maintenant, si on parle de la transmutation du karma, de tous les karmas qui sont les karmas relatifs, les karmas différés, les karmas collectifs, les karmas des vies antérieures, ces choses-là, juste définir avant qu'est-ce que c'est qu'un karma. De toute façon, je pense que quand les gens viennent à une conférence sur le karma, on sait déjà un peu qu'est-ce que le mot veut dire, à moins qu'il soit tout de moins que les gens soient venus pour le mot transmutation. Remarque bien. Bon. Alors, transmuter veut dire traverser, sublimer. Bon. Et sinon, transgresser. Parce que dans le cas d'une transmutation du karma, c'est peut-être une transgression des lois karmiques que l'être humain va faire. Le karma, c'est une loi qui est appelée loi de rétribution. Maintenant, le terme est un peu faux. C'est-à-dire que bien souvent, on entend par karma quelque chose de négatif. Alors que quand je te dis que l'être humain n'est plus assujetti à son karma rendu à un certain niveau, mais qu'il y a toujours un karma, donc il ne peut pas transmuer toutes les formes de karma, il ne transmuera pas, s'il est intelligent, les formes de karma positifs. Par contre, il pourra se désassujettir des karmas positifs, c'est-à-dire que si il gagne à la loterie, qu'il ne veut pas l'argent, l'argent ne se rendra jamais, le billet ne se rendra jamais, même si le karma était positif. Mais ça, c'est qu'il a la faculté de dévier certaines formes de karma, transgresser la loi du karma. Alors, il y a le karma positif, qui est celui qui fait en sorte que la conséquence d'un acte créé par un humain lui revient et elle lui revient d'une façon agréablement perçue par l'humain. Et c'est ce qu'on va appeler un karma blanc, un karma positif. Par contre, il y a ce qui est le plus connu, le karma négatif. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est la loi du karma telle qu'expliquée par le christianisme. Tu ne peux déranger une fleur sans déranger une étoile. C'est le même phénomène expliqué par les mécanicités hindous, Aryan. Alors, toutes les religions, tous les phénomènes scientifiques, d'ailleurs, reconnaissent la loi du karma, qu'on appelle loi de conséquence lorsqu'on est un peu plus cartésien. Simplement que si je mets mon doigt dans l'eau, eh bien, mon doigt est mouillé. C'est un karma instantané, un karma à queue, un karma d'eau. Si tu rencontres un bulldog et puis que tu lui donnes un coup de poing en plein visage, tu as de fortes chances, si le bulldog est en forme, de recevoir le chien en plein visage aussi. C'est un karma instantané. Là, c'est le cas de le dire, c'est un karma de chien. Bon. Tout à l'heure, c'est un karma d'eau. Bon. L'individu qui prend de l'alcool va avoir un karma immédiat qui va être bien souvent le fait d'être chaud, d'être ivre. S'il n'en prend pas beaucoup, il est ivre, mais pas beaucoup. À un point, ça peut ne pas trop paraître qu'il est ivre, mais il est ivre un peu. Il y a de l'alcool dans le sang. Alors, c'est un karma qui est instantané du point de vue de l'absorption de l'alcool. Donc, l'individu peut devenir ivre. Par contre, le fait d'être ivre engendre aussi un karma subséquent, un deuxième karma, qui, lui, va être normalement différé. Parce qu'il y a un karma instantané, on l'a vu lors le phénomène de bulldog, on a un karma qui est différé. Celui qui va faire en sorte que tu risques de recevoir les effets en retour, de vivre la conséquence de ton acte plus tard dans le temps, karma différé. Alors, si on regarde, par exemple, l'individu, la façon dont il va manger, la façon dont il va vivre, la condition physique qu'il va entretenir, en fait, les 40 premières années de sa vie, normalement, vont engendrer un karma qui peut s'échelonner dans les 10 ou 20, 30 ou 40 dernières années de sa vie. C'est un karma qui est différé. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante à savoir, c'est que si on part à 10 ans pour bâtir un karma différé, on devra presque normalement mettre 10 ans pour arriver à l'éliminer. Sauf évidemment si pendant l'élimination de ce karma différé, on ne continue pas à réengendrer un karma pour plus tard, alors nécessairement on n'en sort plus. Alors le karma, c'est donc une loi de retour, c'est-à-dire que c'est une loi de conséquentialité. Si l'être humain se lève, eh bien il a un karma, il est debout. Eh bien, si l'être humain s'assoit et sur une chaise, eh bien il a un karma, il est assis confortablement. Si on ôte la chaise, il y a un karma, il est assis inconfortablement. C'est-à-dire qu'il se remonte sa terre. Bon. C'est le karma. Alors, l'individu devrait déjà voir l'idée même du karma de cette façon. Un exemple de karma différé, quand même. L'individu s'en va, je l'ai déjà expliqué en séminaire, mais je vais quand même donner un petit peu le même exemple, un exemple facile. L'individu va dans son, il reste dans un village, il va dans un dépanneur, et puis il fait du vol à l'étalage. Il y a un karma immédiat, karma blanc, qui fait qu'il économise de l'argent. Mais il a un karma différé, karma noir, que peut-être il ne connaîtra jamais. Ça peut être la collectivité qui va le supporter. Autrement dit, si lui fait du vol à l'étalage, on peut tous payer pour lui. Et c'est d'ailleurs pourquoi les sociétés vont se mettre collectivement ensemble pour condamner un individu et le mettre en prison. Il paye sa dette à qui? À la société, pas au dépanneur, pas aux parents de la personne qui s'est fait descendre lors d'un vol, armé. À main armée. Mais il paie la dette à la société parce que c'est le collectiviste qui va supporter son karma. L'individu fait donc un vol à l'étalage, il a premièrement un karma blanc. Et ça, c'est ça qui est le gros danger dans la mécanicité du karma. Le gros karma le plus dangereux, le plus puant, c'est le karma relatif, sur lequel on va revenir, et le karma différé. Parce que le karma différé fait en sorte que, voyons donc, karma, c'est bien, j'économise. J'ai des biscuits gratuits, j'ai du coke gratuit, j'ai un pain social gratuit, j'économise. C'est le karma. Par exemple, c'est karma, je ne crois pas, c'est le karma. Ça, c'est un karma blanc, qui est instantané. Mais il y a un karma différé, une espèce d'ombre noire qui lentement est en train de se tramer au-dessus de toi. Si tu meurs avant, sa société va payer pour. Si tu déménages, elle risque de payer pour, elle risque de ne pas venir avec toi. Sauf si nécessairement tu continues là-bas, tu recrées la même structure. Parce que dans différents karmas différés, l'individu qui déménage le laisse là, il laisse en plan. C'est la société qui va payer pour. Alors notre individu fait du vol à l'étalage, c'est très, très, très intéressant. Et puis il s'en vante, normalement on trouve une grande gueule quand on a un karma blanc, on est tout content. Et puis, peut-être que lentement, il finit par convaincre quelqu'un d'autre de faire du vol à l'étalage aussi. Puis là, c'est intéressant, ils ont un karma blanc. C'est économique. S'ils se font pincer, leur karma différé vient maintenant d'aboutir. Alors, ils ont un karma noir du fait qu'ils se font attraper. Et l'individu va dire, oui, mais crime 5 ans de prison. Et qu'est-ce qu'on répond? Oui, tu payes pour toutes les autres. Karma collectif. Tous ceux qui ont fait du vol, ben, leur karma est maintenant supporté un peu par celui qui s'est fait ramasser. Et ils payent en fonction du karma et non pas en fonction de ce qu'il a fait. Alors ça, c'est très important. Et on le met donc en prison. Karma différé et possiblement le karma différé de d'autres, donc un karma collectif qui lui tombe sur le nez et se ramasse en prison. Maintenant, en admettant qu'il ne se fait pas attraper, karma blanc, c'est très intéressant. Un autre se fait attraper, c'est encore bien plus comique. Toi, tu es brillant, toi, tu es intelligent parce que tu ne sais pas pincer, l'autre te cave. Sauf que ce qui va arriver, c'est qu'il y a des chances qu'un jour, ton dépanneur fasse faillite. S'il fait faillite, dans ton village, il n'y en a plus de dépanneur. Alors maintenant, ton karma différé noir commence à être transposé sur tout le village. Donc, le karma différé collectif, tu n'en souffriras pas trop, mais tu devras, avec les autres, te déplacer quelques milles pour aller dans un autre village, aller acheter. Nécessairement, pour l'autre village, le karma noir de celui-ci devient un karma blanc. Et c'est un peu comme de la finance, hein, ce que je compte là. Alors, les malheurs des uns font le bonheur des autres, c'est d'ailleurs ce qui arrive. Vu que lui devient noir et fait faillite, l'autre va faire un peu plus de profit parce que maintenant, il se ramasse à aller servir de village. Par contre, celui qui faisait du vol à l'étalage, qui avant n'avait qu'à sortir de chez lui, marcher, puis aller voler, maintenant, il doit prendre son automobile et aller dans un autre village pour aller acheter ou voler. Alors, il commence à payer pour. Maintenant, c'est plus économique, son affaire. Même s'il vole là-bas, il va dire, j'économise quand même plus que tout le monde. Oui, mais il n'économise pas autant qu'il aurait économisé s'il n'aurait jamais volé. Bon. Alors, le karma est donc différé, assumé collectivement. Et notre bonhomme, lentement, doit s'en aller. Si on fait du vol à l'étalage là-bas, bien, le gars, ça devient un autre voleur à l'étalage qui vient. C'est sûr qu'il double sa clientèle payante. Alors là, on voit un petit peu l'idée du danger de ne pas connaître les lois karmiques. C'est-à-dire que je mange mal. Ah, mais il y a un karma blanc. Tu as mangé à ton goût, tu as mangé ce que tu aimais, tu as peut-être sauvé du temps. C'est un karma blanc instantané. Dans 20 ans d'ici, pris avec un problème du foie, problème stomacal, problème intestinal, problème de rate, de pancréas, problème de rein peut-être. Karma différé dans le temps. L'individu qui fume, il y a un karma immédiat. Il se sent homme, il se sent mature, il se sent femme peut-être. C'est-à-dire que les femmes ont commencé à fumer pour se sentir homme. Et puis, ils se terrestrifient, ils sont plus tough, plus sécures, moins, hein, ils têtent. Bon. Sauf qu'à long terme, il y a un karma différé, noir, qui vient. Et là, ça pourrait être le cancer du poumon, ça pourrait être le cancer de la bouche, le cancer de la langue, ça peut être simplement aussi le divorce, ça peut aussi se faire avoir une contravention. À un moment donné, on est rendu qu'on donne des contraventions. Sauf que la majorité de ceux qui doivent en donner sont des fumeurs, donc on n'en donne pas beaucoup. En tout cas, karma. On a une idée un peu de ce que c'est que le karma. Maintenant, on va quand même faire un petit retour. Avant, tu veux avoir un exemple d'une personne qui transmet totalement son karma. Il n'y en a pas tellement sur la planète, quoi qu'il y en a quelques-uns. L'individu qui a transmué son karma, premièrement, n'est absolument plus assujetti au karma des vies antérieures. Du point de vue de l'individu, il y reste assujetti du point de vue de la collectivité. C'est-à-dire que si vous naissez dans un pays qui est en guerre depuis 50 ans, bien, le karma des vies antérieures collectif est la guerre. Vous naissez dans un pays de guerre. Alors voilà. Votre karma individuel était peut-être éliminé, mais vous êtes quand même dans un pays de guerre. Karma collectif des vies antérieures peut persister et persistera toujours. Sauf si l'individu décide de s'expatrier, bien, il vivra assujetti ou chapeauté par le karma collectif des vies antérieures de la nation où il s'en va. Un exemple, karma des vies antérieures au Canada, bien, on a à un moment donné signé l'indépendance canadienne, on a fait une confédération. Alors, c'est un karma des vies de ceux qui ont travaillé avant nous, donc karma des vies antérieures de la nation, pas nécessairement de l'individu, mais de la nation. Et en venant au monde, dans cette nation, eh bien, on paie le karma noir et on bénéficie du karma blanc de la nation. Karma des vies antérieures. L'individu n'a plus de karma individuel au niveau du point de vue des vies antérieures. L'individu ne subit absolument plus aucune pression du karma relatif. Et même lorsque dans le séminaire, je parle du karma relatif, les gens comprennent un peu ce que c'est. La majorité, ils restent assujettis et ils vont y rester assujettis encore pendant des très longues années, sinon de très longues décennies. Le karma relatif, c'est le karma que l'humain se donne à lui-même. C'est un karma que l'humain décide de supporter. C'est-à-dire que l'humain est toujours un être, l'humain est spirituel. Donc, étant spirituel, l'être humain est manipulé par les contingences divines, par les égrégores divins, par des dieux, des archanges, des missions, des extraterrestres, enfin, l'humain est manipulé par différentes choses. Et l'humain se sent bien lorsqu'il se missionne. Et une des missions inconscientes de l'humain, c'est de supporter le malheur d'autrui. C'est-à-dire de supporter un karma qui ne t'appartient pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai déjà été jeune, dans une classe, et il y avait une classe en 2, 3, 4 années, et puis c'est des classes mixtes. À l'époque, on commençait à s'émanciper, on avait le droit à avoir les filles des classes. Divisé en deux quand même la classe. Ouais, bon, mais d'un côté les filles, d'un côté les gars, mais dans la même classe, quand même pas pire. Et puis, quand le professeur chicanait une fille, elle partait à pleurer. Toutes les filles partaient à pleurer. Bon. Les gars, ben, ils partaient à rire. Hein, c'est mais les filles partaient à pleurer. Alors, les filles supportaient tous karmiquement le karma relatif du karma instantané d'une seule des filles. Alors ça, c'est ce missionnariat qui est inconscient chez l'humain, qui provient des archétypes religieux, qui fait en sorte qu'on doit être compatissant. Souffrir pour l'autre, un peu. Alors, on va dire partager sa souffrance. Et effectivement, quand on souffre pour l'autre, on partage sa souffrance. Mais il y a un problème. C'est qu'il y aurait une raison intelligente de partager la souffrance de quelqu'un. C'est-à-dire que l'individu a un karma noir instantané ou un karma différé noir tellement puissant qu'il est en train de se faire broyer. Il est malade, il a des problèmes, etc. Alors, si on vient compatir avec lui et qu'on supporte son karma, cela veut dire qu'on va diluer la puissance de son karma sur tout le monde. C'est un moyen de transmuer un karma. Rencontrer des individus, peut-être qu'on paye, peut-être qu'on ne paye pas, mais qui sont d'accord pour supporter une partie de notre karma. Le problème, dans la majorité des cas, c'est que l'individu, lui aussi, est missionné pour supporter le karma des autres. Alors moi, j'ai mal, tu viens, puis tu souffres de me voir mal, fait que moi, je souffre de te voir souffrir, de te voir mal, puis finalement, on n'en sort pas. Alors, il va arriver un moment donné où une personne qui est compatissante va devoir se faire têter toute sa vie par celui qui finalement, oui, bonne, pauvre, je la dérange, pauvre personne, elle souffre parce que l'autre souffre parce qu'elle souffre. Et ça, c'est le missionnariat qui est extrêmement dangereux. On ne peut pas transmuer son karma si, d'ores et déjà, on n'est pas capable d'éliminer une partie du karma relatif que notre individu qui a transmué son karma ne vit plus du tout. Donc, il ne vit plus aucune culpabilité qui est 100% du karma relatif. Il ne se sent pas coupable. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se sentir coupable? Ça veut dire que si lui, il est malade, je ne me sens pas coupable d'être en santé. Donc, je ne serai pas compatissant et je ne m'arrangerai pas pour souffrir un peu avec toi de façon quand même à te remonter le moral. Je ne suis pas si mieux que ça. C'est ce qui va arriver inconsciemment au niveau de l'échange des karmas relatifs et collectifs des individus. Celui qui transmet son karma ne se sent plus coupable. Alors, il marche sur le pied de quelqu'un. Il ne s'excuse même pas. S'il vit avec des êtres humains qui ont besoin de politesse, qui ont besoin des êtres humains qui sont facilement manipulables, puis quand tu leur marches sur le pied, ça ne les dérange pas. Mais si tu ne dis pas excuse, ça les dérange. Ben là, il va dire excuse. Oui, alors il dit excuse parce qu'il est justement ajusté. Sauf qu'il n'y a aucune culpabilité. Il a mis le pied sur le pied d'une personne, ben c'est un accident. et un accident, on ne s'excuse pas d'une chose qu'on n'a pas faite. Le corps physique a mis une partie de sa constitution sur la constitution du corps physique d'un autre. Mais c'est un accident. J'ai jamais vu un automobile s'excuser de rentrer dans un poteau. L'humain s'excuse parce que l'humain est convaincu qu'il a un libre-arbitre total, donc que s'il a mis le pied là-dessus, c'est que c'est lui qui a mis le pied là-dessus, donc il doit s'excuser d'avoir fait cette connerie, alors que c'est un accident. Mais aucun karma relatif dans l'individu qui a transmuté, donc aucune culpabilité. Aucune. Il n'a pas besoin, il faut faire attention, celui qui transmute son karma du point de vue de la relativité doit nécessairement être intelligent, donc celui qui n'a aucune culpabilité n'est pas un individu qui fait des vols et qui s'en fout. Il est conséquentiel, donc il ne fait pas de vol, parce que ça crée un karma différé noir. Il n'a aucune culpabilité, c'est tout. Il n'a aucune culpabilité, donc il n'est pas assujetti du point de vue individuel au karma des vies antérieures. Il n'est absolument pas assujetti à aucun karma différé, parce que tous ses actes, karma différé noir, parce que tous ses actes sont posés en fonction de créer un karma différé blanc. Mais il y a une ruse. Pour transmuer son karma, il y a une ruse qui est fondamentale. Tout faire en fonction du moyen et du long terme. L'individu qui travaille, et c'est le problème majeur actuellement à l'échelle nord planétaire, et c'est un problème majeur de plus en plus important du point de vue de la jeunesse, et plus c'est jeune, plus c'est important, les individus sont extrêmement pressés. Alors celui qui ne veut travailler l'échange karmique qu'à partir de l'immédiat terme et peut-être du court terme, manque totalement, ça vaut même pas la peine qu'il achète un rire, le cosmos va rire. Il manque totalement les 20, 30, 40 ou 50 ou 60 ou 70, dépendant de sa longévité, il manque totalement les dernières années de sa vie. L'individu peut dire, par exemple, bon, karma immédiat, tu ne vas pas à l'école. Tu fais l'école d'asphalte, hein, l'école buissonnière, il n'y a plus de buisson, tu fais l'école d'asphalte. Or, tu fais l'école d'asphalte. Tu t'envoies n'importe où dans des machines, dans un endroit où c'est des machines à boules, bon. Tu dis, bon, karma immédiat, c'est intéressant. Mais ton avenir, c'est un karma différé extrêmement noir. Celui qui transmute son karma va avoir la capacité de supporter du karma noir dans l'immédiat terme, de façon à bénéficier d'une cumulation de karma différé blanc à moyen et long terme. Peux-tu élaborer là-dessus? Oui. Tu travailles, un petit emploi et tu gagnes 150 $ clair par semaine. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Ta dépense? Tu vas voir des films, tu bois un peu, tu achètes des biscuits, puis tu foufous. C'est très plaisant. Tu n'auras jamais de maison, jamais d'automobile, tu ne voyageras jamais, tu risques même d'avoir une attitude qui va t'endetter. Voilà. Maintenant, tu as un karma blanc, mais tu vas avoir un karma noir plus tard. Par contre, es-tu prêt à souffrir, c'est-à-dire à te serrer la ceinture, c'est-à-dire à ne pas dépenser ton argent, donc à la mettre en banque, à l'accumuler. Tu dois manger, tu manges pour la santé, puis tu élimines tout ce qui est l'excédent, parce que ça te tente de changer ta classe sociale, ça te tente de préparer un karma différé blanc. Alors, tu économises. Oh, c'est sûr que pendant les 5, 10 années de ta jeunesse d'économie, tu n'as pas fait un paquet de folies, tu n'as pas eu les plus beaux habits. Tu t'es peut-être promené finalement en bicycle, peut-être t'as acheté une petite Renault, une petite Lada. Non, une Lada, c'est mieux une Renault encore, même si c'est une Renault. Une Renault, bon. Bon, OK, tu te promènes comme tu peux. Mais à un moment donné, veux pas, tu auras suffisamment de potentiel financier pour pouvoir te permettre des choses que celui qui a vécu un karma blanc pendant sa jeunesse ne peut pas se payer pendant sa vie d'âge mûr. Alors, quand un individu, donc, je dis bien celui qui transmute son karma, une des lois de transmutation du karma, c'est d'accepter de payer immédiatement la majorité des structures noires de façon à nous donner du blanc en avant. Pourquoi? Parce que regarde bien ceci. Si tu dépenses tout l'argent que tu as, puis tu n'as pas d'emploi, c'est un karma extrêmement noir, mais il y en a qui le font. Il y a beaucoup de la cité sociale, c'est le gros problème, on ne devrait jamais, à peu près jamais, donner à la cité sociale ses chèques complets au début du mois, parce que normalement, les deux dernières semaines, il n'y a plus une scène. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, la cité sociale, bien souvent, c'est qu'il va faire des chèques post-datés. Alors, quand il reçoit ses chèques, le chèque du bien-être social, eh bien là, c'est pour payer un tel, payer ça, payer ci, payer ça, payer ça, payer ça, payer ça. Paf, plus une scène. Fait que là, il recommence à post-dater. Alors, une fois dans les années, il aura eu suffisamment d'argent pour se payer le luxe. Au lieu d'économiser avant et dépenser après, une fois, il a tout dépensé mais immédiatement, puis maintenant, il est toujours pogné à dépenser à crédit, pour du moins qu'il reçoit son argent, tout payé. Hache, plus de dette, plus d'argent. Fait qu'il recommence à crédit, quand il reçoit son chèque, plus de dette, plus d'argent. Fait qu'il recommence à crédit et il est pris. L'individu, donc, c'est une chose. Premièrement, l'individu qui reçoit de l'argent puis qu'il dépense immédiatement puis qu'il n'y a pas d'entrée régulière, c'est un karma très noir. Il aura vécu aux oiseaux pendant un bout de temps, mais c'est un karma noir. Et bien souvent, celui qui souffre énormément de son karma est un individu qui cumule du karma noir. Autrement dit, bien souvent, le pauvre agit de façon restée pauvre. Celui qui souffre agit de façon à rester un être souffrant. Celui qui est toujours mal pris, celui qui est né pour un petit pain, sinon juste pour la croûte ou l'emballage, eh bien, normalement, il travaille de façon à rester comme ça. Et c'est une problématique. Celui qui est riche travaille puis s'enrichit, celui qui est pauvre travaille de façon à rester pauvre. Et donc, au niveau du karma, c'est la même chose, c'est-à-dire que celui qui est prêt à souffrir une partie de ce karma, un exemple, vous avez un début de carie, vous allez voir le dentiste. Tu te prépares un karma blanc, différé. C'est pas en allant chez le dentiste avec ses aiguilles, son miroir, sa bebelle, sa suction, puis que tu as un karma blanc. Le karma est noir. Mais c'est un karma noir qu'on élimine. On le paye tout de suite. Alors, regardons ceci. Ça ressemble énormément à la finance. Il y a des intérêts. Vous cumulez du karma blanc que vous placez pour l'avenir, il y a des intérêts. Tu cumules un karma noir pour l'avenir, il y a des intérêts. Alors, tu changes l'huile de ton moteur pour ne pas avoir à changer ton moteur plus tard, c'est la même chose. Tu te fais ranger immédiatement les dents et plus tard, tu seras de meilleure santé parce que de toute façon, le système dentaire nuit énormément au reste de la santé corporelle. Tandis que si tu laisses tomber, bien, à un moment donné, ce sera des dentiers, ce sera des problèmes. Oh, ils connaissent ça beaucoup, les dentiers. Bon. Alors donc, le karma noir, payer un peu aujourd'hui de façon à être capable de se libérer plus tard, c'est une manière de transmuer un karma qui fait partie des structures de mutation de l'être humain, c'est-à-dire que c'est un karma qui fait partie des structures de l'évolution de l'être humain, c'est-à-dire que c'est un karma auquel personne ne peut échapper, sauf s'il le règle immédiatement. Autrement dit, moins vous avez de dettes, plus c'est facile de régler ce karma-là. Plus vous êtes malade, plus c'est compliqué, parce que finalement, vous devez régler non seulement le karma archétypal de votre constitution évolutive, mais en plus, on doit régler le karma de la vie, le karma expérientiel qu'on a cumulé au cours de l'année. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire, mais je vais boire de l'eau, tu vas poser une question. Oui, je suis définitivement ce que c'est que tu viens de dire, et puis je t'écoute et je pense à autre chose. Ça m'amène à penser à ceci, c'est-à-dire que les gens, on voit des gens qui font exactement ce que tu as décrit tantôt, qui vont tous dépenser leur argent ou qui mettent pas, ils ne changent pas l'huile dans le moteur, puis conséquemment, ils sont obligés de changer le moteur. Mais lorsqu'on regarde ces gens-là, souvent, ils vont faire des efforts pour changer, mais ils ne sont pas capables de changer. C'est comme s'ils sont manipulés. C'est justement. Pas comme, ils sont manipulés. Exactement. Alors, le karma, à ce moment-là, que c'est l'individu qui supporte, c'est l'être qui supporte. Il y a une grande partie du karma, qui est supportée par la matière qui t'entoure. L'individu fait des efforts pour changer. Premièrement, il doit déménager. Parce qu'il y a une grande partie du karma qui va le manipuler et qui fait partie du milieu ambiant. Deuxièmement, il doit changer possiblement la majorité de ses connaissances et de ses amis. Deuxièmement. Troisièmement, il doit changer la majorité. Pourquoi il change de quartier? Il faut absolument que dans son nouveau quartier, qu'il ne reprenne pas les mêmes habitudes. Il doit donc changer maintenant, profiter du changement du milieu pour changer l'interne. Parce que l'individu, c'est comme ceux qui veulent maigrir. Ils maigrissent pendant le régime, mais ne changeant absolument pas leur manière de vivre, bien, ils réengraissent après le régime. Il n'y a rien à faire. Mais il y en a, parmi ceux-là, Daniel, qui ne sont pas capables de changer leur manière de vivre. Ceux-là ne sont pas capables non plus de déménager, de changer d'amis puis de changer de classe. C'est sûr que si tu pars dans un endroit où c'est entouré de tavernes, si tu déménages dans une autre ville où c'est entouré de tavernes, c'est pas ça la solution. Si tu veux arrêter de boire, va-t'en quelque part où il n'y a personne qui boit. Tu vas encore avoir des problèmes. Mais là, pour changer, tu peux changer. Et tu fumes, respecte des fumeurs. Tu vas arrêter de fumer. C'est simple. Tu dépenses, ça va plus que les mêmes gens, va plus dans les mêmes magasins. Il y a des manipulations du milieu ambiant qui t'accrochent. La publicité, ça sert à ça. C'est un milieu ambiant qu'on déporte chez vous, par le biais de la radio, de la télévision, des journaux, etc. Alors, c'est important. L'être humain est manipulé totalement. Alors, il pense qu'il a un libre-arbitre, alors qu'il n'a pas de libre-arbitre. Il pense qu'il y en a un, ça lui permet de pouvoir se casser la gueule en se culpabilisant d'avoir mal fait. Comme ça, il paye un karma qui lui appartient même pas et qui prend toute son énergie, qui devrait servir à son évolution. Il s'en sert simplement pour se garder plus ou moins stagnant à travers une évolution extrêmement souffrante et difficile. Mais l'individu qui a la faculté d'éliminer cette culpabilité, ben, nécessairement, il va avoir une grande, grande facilité à arriver à s'en sortir. Il y a, au niveau des lois, il y a des choses qui peuvent être un peu frappantes et un peu frustrantes, parce que si j'explique, bon, on parle de transmuer son karma. De quelle façon un individu qui part d'un paquet de problèmes peut arriver à transmuer son karma? Et là, on va dire, ouais, mais si tu fais ça, l'autre, il va souffrir. Ouais, mais si tu fais ça, l'autre, il va chialer. Oui. Premièrement, transmuer son karma. Première chose, remettre en main propre le karma qui ne nous appartient pas à ceux à qui il appartient. Première chose. Transmuer son karma pour supporter le karma de tout le monde. Il ne faut même pas peine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, le changement que je vais commencer à entreprendre chez moi implique que ceux qui sont autour de moi vont souffrir. n'y a rien, mais rien à faire. Le fait de transmuer mon karma va premièrement remettre le karma des autres sur le dos de ceux à qui ça appartient. Et là, je me garde, je fais devoir souffrir peut-être moi-même un peu cette mécanicité, parce qu'on va tout faire pour bien m'expliquer que je suis un sans-cœur, qu'est-ce qui me prend, c'est parce que je me drogue, c'est à cause du maudit centre de l'universalité, c'est à cause du livre que je viens d'acheter, c'est à cause que maintenant j'ai vendu mon chien, en tout cas, on en met des raisons, pour bien te faire comprendre qu'est-ce que tu fais là, wow, menu! Bon, moi, mon karma, j'en prends une partie, je te le mets sur le dos. Tu sais, le bonhomme, quand il rentre de travailler, qui s'écrase, puis qui commence à chialer dans la maison, il met son karma sur le dos de la maison, donc de sa femme, peut-être, de ses enfants, de son oiseau, etc. Quand la femme décide que là, minute, c'est plus ça, là. Quand le bonhomme, il rentre en chialant, moi, je sors en rien. Puis de souper, puis de ci, puis de ça. Wow, minute, qu'est-ce qu'il prend, la bonne femme? Mais la bonne femme a décidé qu'elle vivrait son karma, puis que le karma que l'autre lui donne, elle n'en prend plus. Et vice-versa, quand c'est la bonne femme qui rentre et qui chiale, quand le bonhomme rentre tout heureux, puis elle a chiale. « Oh, elle va avoir une laveuse plus grosse, elle va avoir une aide ménagère, puis elle va avoir... » C'est bon, même chose. Les enfants, pareil, quand les enfants rentrent, à un moment donné, « Ah, parle-y pas, lui, il rendait son adolescence, quand il parle, tu sais comment il fait, il crie. » Là, tu décides de supporter le karma du jeune, puis tout ce qu'il va faire, tu vas le supporter pour ne pas l'entendre crier. Fais-les crier 4-5 fois, puis endure le fait qu'il crie, puis il va souffrir le fait qu'il crie de temps en temps. Puis lentement, il va arrêter de crier parce qu'il va devoir apprendre à supporter son karma, à l'assumer, puis ça va créer un peu plus de facilité. Alors donc, au niveau des façons de transmuer son karma, il y a bien des choses qui peuvent être frustrantes parce qu'il y a énormément de lois, pas les commandements de Dieu, là, non. Il y a énormément de lois théologiques, religieuses, sociales et morales qui vont totalement à l'encontre de la transmutation de son karma. Si vous êtes poli, quand je vais souffrir, vous allez souffrir. La bonne séance fait que quoi? Fait que personne n'est mort. Mes sincères condoléances. Puis si t'as pas le temps, envoie une carte. Faut que la personne sache, ça arrive à savoir qu'il y a plein de gens qui font semblant de souffrir pour elle. Au moins, ça va la rassurer. Tous les exemples que tu viens de donner, là, une personne part parce qu'elle s'en va vivre dans un désert ou dans le bois seul, et puis elle n'a plus ce que c'est le karma-là. Elle élimine à peu près tous les karmas, il va simplement lui rester le karma immédiat du milieu. Alors, à ce moment-là, le gros du karma, c'est un karma de société. C'est un karma d'environnement. C'est un karma d'humain. C'est que toi, tu acceptes de boire l'alcool que les autres ont ingurgité. C'est-à-dire que quand tu es tout à fait ivre, eh bien, je bois de ton sang. Fait que là, je viens ivre moi aussi. Si je me vends en pleine forêt et tu n'es pas là, je ne peux pas boire de ton sang, donc je ne suis pas ivre. C'est évident que l'individu qui s'éloigne de tout ce qui est facteur humain, parce qu'à l'instant où deux humains se rencontrent, les problèmes commencent. Mais si tu t'éloignes totalement, tu es toujours un être assujettissable karmiquement, mais le milieu dans lequel tu vas vivre maintenant est un milieu qui est beaucoup plus limité parce qu'il n'a pas d'émotion, il n'a pas d'âme, il n'a pas de désir, il n'a pas de concupiscence, il n'y a pas qu'à l'affaire qu'il n'y aura pas. C'est un milieu que s'il n'y a pas de plantes, tu ne manges pas, s'il n'y a pas d'eau, tu ne bois pas, mais tu es capable de peut-être de. C'est le milieu, le karma instantané, disons, rayonné par les milieux, tu peux le régler. Le problème, ce serait plutôt que toi, tu ne supportes plus le karma de tes semblables. Si tu t'en vas dans le bois, tu ne te choqueras plus après la bonne femme. Et puis là. Mais là, tu vas t'en chercher une, par exemple. Ça, c'est. Ouais, mais c'est. Ouais, mais ça. C'est un karma bien pire. Pas nécessairement. Il y en a qui s'en pensent. Daniel, à ce point-ci, on a souvent entendu parler des karmas des vies antérieures. Tantôt, tu as effleuré le sujet. Ça, c'est une farce, hein? Karma des vies antérieures en passant pour l'individu. C'est peut-être bon qu'on en parle un petit peu parce que c'est une illusion totale. L'individu naît avec 0,01% de karma des vies antérieures. Puis c'est ce qu'il devra supporter du point de vue de l'individu. Par contre, il y aura un pourcentage de 5% de karma collectif provenant des vies antérieures qui vont réellement l'affecter. L'individu qui vient au monde handicapé ne paie pas un karma des vies antérieures. L'individu qui vient au monde, soit avec des torts pathologiques, ne paie pas un karma des vies antérieures. Et ça, c'est une farce. Dans des pays sous-développés. L'individu qui naît dans un pays sous-développé ne paie pas un karma des vies antérieures non plus. C'est un individu sous-développé qui a vécu avant, dans un corps sous-développé, avec une conscience sous-développée, dans un pays sous-développé, puis là, il est revenu dans son même maudit pays. Alors finalement, pour lui, c'est pas sous-développé pantoute, c'est par rapport à notre conception, nous autres. Dans son pays, à lui, c'est tout à fait développé, comme que c'est. Et puis, génétiquement, il est bâti pour vivre là-dedans. Il ne souffre pas plus que celui qui vit dans une société de débiles, développée, comme nous connaissons à l'échelle nord-planétaire. Lui, il ne va pas chez McDonald's, il ne court pas tout le temps, il ne se bat pas à l'entrée des cinémas. pénible. Mais il y a toujours du bon et du mauvais. On est sur une planète Terre qui est dualitaire. Où est-ce qu'il y a un enfer, il y a un paradis. Où est-ce qu'il y a un paradis, il y a un enfer. Si on les échange les deux, ben finalement, tu ne pourras plus aller au cinéma. Mais tu n'auras plus le goût d'y aller. Tu vas découvrir des choses qui vont te plaire. Tu vas avoir des souffrances différentes. L'autre qui vient ici, ben probablement, il va commencer par virer un petit peu dingue. Et puis finalement, il va découvrir la douche à l'eau chaude. Il va découvrir les centres d'achat. Va découvrir. Mais il va être malade comme ceux d'ici, tandis que là-bas, tu vas être malade comme ceux de là-bas. Finalement, il va avoir une adaptation. L'individu, au niveau des vies antérieures, non. Celui qui naît handicapé paie collectivement un karma qui est plus ou moins instantané, qui est relativement différé. C'est-à-dire que, premièrement, ce sont les parents qui vont payer un karma, et ce n'est pas l'enfant qui vient au monde handicapé. Deuxièmement, la société va payer un karma, et c'est pourquoi les sociétés s'organisent pour s'occuper des personnes handicapées. Et oui, d'accord, les parents paient, mais l'individu qui vient au monde handicapé, il paye pas pour ça. Il a dû supporter le restant de ses jours. On devrait tous avoir quatre bras, on en a juste deux, puis on ne s'en plaint pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est handicapé. Mais si tout le monde aurait quatre bras, puis on serait avec les deux seuls, avoir deux bras, hé, moi, t'as dit qu'on souffrirait. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qu'on ne pourrait pas faire. On ne pourrait pas, par exemple, tenir un gars et faire les poches en même temps. Hein? Il y a un paquet d'affaires qu'on ne pourrait pas faire. Alors, on serait là, puis on se verrait extrêmement handicapé. Tu ne pourrais pas conduire pendant que tu vérifies la radio, mettre la cassette, gratter le genou en même temps avec l'autre bras. Tu ne pourrais pas. C'est évident que nous autres, on serait là, puis on se verrait comme deux handicapés total. Mais c'est parce qu'on déciderait de supporter la vision collective des autres qui, eux, nous voient handicapés et qui acceptent de souffrir à notre place. Alors, eux vont supporter notre handicap et, pauvres autres, avoir pitié. Nous autres, bien, on va supporter le fait qu'ils souffrent de nous voir de même, donc on va souffrir d'être de même parce qu'on les oblige à souffrir parce qu'on est comme ça. Alors, finalement, on va se voir handicapés et là, on va se rendre compte qu'on nuit, qu'on dérange. Tu te promènes sur le trottoir avec juste deux bras. Bon, on achète un veston quatre bras, on met des Kleenex dedans, bon, là, tu les mets dans les poches, tu fais l'impression d'avoir quatre bras, on appelle ça des prothèses, c'est bon. Tu te promènes sur le trottoir, puis tu vois que tout le monde te regarde, puis on te fait une place dans les magasins, puis là, tu vas souffrir de voir que les gens souffrent de ta présence. C'est ce qui engendre le handicap. Mais l'individu supporte un karma relatif. S'il ne se sent pas coupable d'être de même, s'il se dit crime, c'est le corps physique, c'est la génétique, c'est pas moi. Il n'y a plus aucun problème au niveau de la souffrance. Il ne paye plus aucun karma. Bien, ça dépend. Si, Moi, j'en ai connu un à un moment donné. J'ai travaillé avec un gars, on suivait des cours. Puis le bonhomme, il était en chaise roulante. Arthrite déformante. Puis il me donnait souvent un livre. Je suis embarqué en arrière sa chaise. Puis on s'en allait dans l'école. Collège MC. Tu sais, il y a celui qui marche dans les centres d'achat. Qu'est-ce qui est le plus plate dans les centres d'achat quand tu magasines? C'est de devoir marcher. Puis là, tu en as un petit maudit. Qui s'est baqué en arrière. Tu sais, le handicap, il se promène assis sur les trottoirs, puis il s'en va. Je sais, pour prendre le bain, c'est plus compliqué. Chaque paradis a son enfer, chaque enfer a son paradis. Il est avantagé sur nous autres, puis en même temps, il est désavantagé. Mais c'est comme n'importe quel être humain. Est-ce qu'on est handicapé tous les deux de ne pas mesurer six pieds? Oui, mais... Puis ils sont haut, puis ils tombent de haut. Fait qu'on sait moins mal quand on tombe. On est avantagé. Non? Alors, c'est où le handicap? Tu portes des verres. C'est sûr que tant que la société n'inventait pas les verres, tu ne voyais pas aussi bien, mais tu n'avais pas besoin de voir aussi bien non plus. Tu marchais dans la forêt, tu allais traire tes vaches, ils te reconnaissaient, tu n'avais même pas besoin de dire « voir ». Ils venaient. Bon. Il y avait... Puis lentement, la société a commencé à avoir des livres, des cités, ça. Moi, inventer les verres, ça n'a pas été long. Oui, mais il y a une différence. Tu parles comme s'il n'y avait pas de différence, Daniel. Il n'y en a pas réellement. Cosmiquement, il n'y en a pas. C'est okay. L'individu qui décide. Mais demande à un handicapé s'il ne voudrait pas être comme un individu normal. Mais oui, il voudrait être comme un individu normal s'il ne voudrait pas être comme qu'il est. Mais oui, c'est sûr qu'il voudrait être comme un individu normal parce que l'humain étant collectif va être normal. C'est comme je l'explique souvent. La personne âgée qui a un bouton ici s'en va chez le dermatologue, puis le dermatologue lui dit « Quel âge vous avez? 62 ans. Ah, ben va-t'en, c'est normal que les boutons poussent. Ah, c'est normal! Ah, vous me rassurez! Il y a un bouton pareil. Mais c'est normal. L'handicapé veut être normal. Nécessairement, voulant être normal, si un handicapé se réveille un matin et se rend compte que tout le monde dans la rue est en chaise roulante, ben, maudit, je suis normal. Son bonheur est réglé. C'est fait. Mais tant qu'il voit des gens déambuler sur deux jambes, là, c'est évident, parce qu'il n'a pas assez. Prends des nains. Bon, regardons ceci. Tu sais, c'est quoi un pygmée? C'est un petit homme. Et en Nouvelle-Zélande, dans les tribus des pygmées, les petits hommes ne sont pas des handicapés. Parce que tout le monde naît petit. Il suffit qu'il y ait un grand tarlat de six pieds qui ose naître à un moment donné dans l'eau, sais, le grand orieux qui accroche toutes les branches quand tu vas à la chasse. Tu sais, c'est celui qu'il faut que tu mettes deux munitions de plus pour le cacher quand le lion approche. C'est qui l'handicapé? C'est lui. Alors, le nez dans notre société, c'est handicapé. Mais il n'est pas handicapé, c'est dans la tête. C'est lui qui devrait être lui. Qu'est-ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la tête? C'est ce qu'il y a au niveau du système endocrinien, certains diront dans le cœur. Puis le reste du véhicule, on est toujours un petit peu handicapé. Il faut qu'on prenne une automobile pour aller plus vite parce que nos pieds ne peuvent pas courir aussi vite que notre tête. Handicapé. Non, c'est l'humain qui décide. Quand on parle de transmuer le karma, celui qui vient au monde handicapé, il va normalement être instruit par les autres qu'il doit souffrir. Il est handicapé, pauvre lui. Alors on vient, on l'a. Bon, tu sais, tu as trois enfants qui naissent, dont un qui naît enfant de la thalidomide. On va s'occuper 20 fois plus de lui. Comment veux-tu qu'il ne se rende pas compte à un moment donné? Ou bien non, c'est un roi, ou bien non, c'est un con, un ou l'autre, pour que les gens s'occupent autant de lui. De la même façon. Alors, le karma, il n'y a aucun karma qui appartient à la matière et qui est structuré par la matière. Quand je parle de karma, je parle à saveur émotive. Quand un arbre pousse, c'est un karma qui pousse. Si c'est un boulot, ce sera un karma de boulot. S'il se divise en deux, ce sera un karma de division. Là, il veut copier l'humain, il se divise. Bon. S'il veut mourir, une partie meurt. S'il meurt au complet, c'est un karma de boulot. Mais il n'y a pas de saveur émotive. Donc, le boulot ne souffre pas d'être un boulot. Le pissenlit ne souffre pas d'être un pissenlit. Par contre, l'être humain, lui, a une forme de conscience et une grande mémoire de forme de conscience. Dans sa grande mémoire, disons, de conscience, l'âme, eh bien, il mémorise des choses. Le boulot, lui, ne peut pas mémoriser, ne peut pas se servir d'une façon structurée de la mémoire à peine moléculaire qui est atomique, qui va gérer sa structure et son écorce, etc. Il ne peut pas mémoriser d'une façon réellement émotive le fait qu'il y a des boulots plus gros, que des érables, le fait que quand on vient, on coupe les épinettes parce qu'on a besoin du bois d'épinette. Le boulot pourrait se dire « Maudit, personne ne veut de moi ». Bon, puis les épinettes, ils se font couper, ils disent « Maudit, j'ai un boulot ». Il y a toujours de la place pour chialer, mais les boulots ne chialent pas. L'humain, lui, a une mémoire tellement grandiose que la première fois qu'il voit ses jambes, il dit « Crime des jambes ». Après ça, il voit les jambes des autres, puis il se dit « Maudit, il faudrait que j'en perde, elles ne sont pas assez grandes, elles m'ont tué à rotule, Bon, regarde. Ils ont passé des statistiques dans les camps de nudistes. Qu'est-ce que les hommes regardent le plus quand ils rentrent dans les camps de nudistes? Les autres hommes. Qu'est-ce que les femmes regardent le plus quand elles rentrent dans les camps de nudistes? Les autres femmes. Les seins des autres, les leurs. Les fesses des autres, les leurs. Le gars, quand il rentre, c'est la même affaire. Puis quand il a fini par trouver qu'il était pas si pire, sinon il se réveille et il reste pas là. Mais quand il est pas si pire, c'est en dehors. Tout le monde décroche, il écroche, il est pas si pire. Là, après ça, il va peut-être regarder les femmes. Puis la femme, les hommes. Mais la première fois qu'un mâle ou une femelle rentre dans un camp de nudistes, il regarde ceux du même sexe. C'est ça le karma. C'est ça le karma. Là, tu te fais attention, j'ai essayé, t'es plat. Là, tu souffres, tu y vas plus, tu cherches un camp de nudistes, de plat. Comment voulez-vous être heureux sans ça? OK. Qu'est-ce que c'est qui différencie d'abord, Daniel, si, disons qu'il n'y a pas de différence, de la façon que tu l'expliques, lorsque on vit ce qu'on appelle souvent son karma, là, chaque individu a à vivre avec ce que c'est qu'il y a, puis dans bien des cas, il trouve ça pire que d'autres, puis dans bien d'autres cas, on se trouve mieux que d'autres. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence entre une âme qui vient habiter une très belle femme, qui devient une actrice intelligente et qui, avec la facilité, gagne sa vie. Pardon? Ils sont heureuses. Oui. Les belles actrices qui font du cinéma et qui sont heureuses. Oui. Qui n'ont pas divorcé 4-5 fois. Qui n'ont pas attrapé un paquet d'affaires. Et qui, rendu à 40 ans, ils ne se voyaient pas dans l'obligation de refaire remonter leur corps au complet pour continuer à être heureuses. Parce qu'ils ont appris à vivre avec un corps de jeunesse, qu'ils ont massacré bien souvent. Puis rendu à 40, 45, 60 ans, ils ne peuvent même plus voir la face dans un miroir parce que. Là, puis je viens rire de là, puis je viens plus là. Puis... Facile. L'herbe du voisin est toujours plus beau que le nôtre. Ouais. Qu'on en dit des choses qui sont vraies, mais qu'on fait les yeux, c'est plaisant. On paraît érudit. Le karma matériel est une conséquentialité qui n'est pas dirigeable par l'homme du point de vue de sa naissance. Premièrement, tu viens dans le corps dans lequel tu viens. Deuxièmement, étant donné que l'âme va être la partie, l'intelligence supramentale, ce qu'on appelait antiquement l'esprit saint, l'intelligence chez l'homme, je ne parle pas de l'intellectuel, je parle de savoir instantané, l'intelligence, La mécanicité supramentale, elle ne peut être effective chez l'homme que lorsque la structure neuronique de l'homme a été totalement achevée du point de vue de sa programmation génétique, ce qui se fait normalement vers l'adolescence. Entre-temps, il y a investitude, disons, de l'âme, des mécanicités réincarnationnelles à travers une structure amique du corps de l'enfant et de la naissance, même de la fécondation, aller à l'adolescence, à la finalisation des programmations génétiques au niveau du cerveau et du système endocrinien, il y aura possession totale du corps par ce que j'appelle un virus, qu'on appelle souvent l'âme, et qui vient posséder l'humain et qui, là, va commencer, lui, à accumuler de la mémoire. Et étant donné qu'il y a une partie du cerveau qui est le cortex associatif, il accumulera de la mémoire, une mémoire qui deviendra une comparaison de mémoire, et il pourra maintenant commencer à avoir ce qu'on appelle du goût. C'est-à-dire qu'il pourra commencer maintenant à souffrir. Alors maintenant qu'il commence à regarder l'extérieur, il pourra dire « J'ai ceci, puis on ça ». Alors maintenant, il va commencer à souffrir. « J'ai les yeux bleus, tout le monde a les yeux verts, donc je suis anormal, et patati patata, je pogne pas autant ». C'est l'adolescence, c'est quoi les questions que les adolescents se posent le plus souvent? Pourquoi les adolescents sont niophons? Pourquoi je pogne pas? Pourquoi j'ai des boutons? Puis bon, pas qu'il y a d'affaires comme ça. L'individu qui vient au monde est donc investi d'une arme mémorielle qui accumule de l'information. On appelle ça un être humain expérientiel qui doit expérimenter pour connaître. Il n'a pas le savoir instantané, ça vient à l'adolescence. Sauf qu'à l'adolescence, eh bien, il y a maintenant toute l'âme au complet qui est maintenant bourrée de mémoires, de comparaisons, de désirs, d'émotions, de ci, de ça, et qui a déjà altéré énormément le corps physique en jouant avec sans conséquentialité, engendrant un karma noir différé pour l'adolescence ou l'âge adulte ou encore l'âge plus tard. Et puis là, il y aura une guerre entre les deux, qui normalement, chez l'être humain normal, est gagnée par la partie amique, par l'âme, et il y aura toujours un peu de trace d'intelligence à travers l'évolution de l'humain, et maintenant, l'intelligence devra s'efforcer de manipuler d'une certaine façon certains êtres humains pour arriver un jour à être exprimé. Mais le karma n'apparaît pas ni dans l'intelligence, ni dans le corps physique lui-même. Tu es ce que tu es. Tu peux améliorer des choses par intelligence. Mais bien souvent, on dit à des gens, régime pour maigrir, qui fonctionne. Les gens ne s'inscrivent pas là. Soyez plus belle. Ah là, ça s'inscrit. Parce que ce n'est pas l'intelligence d'un corps physique qui intéresse la majorité des gens. C'est l'esthétique. Par l'esthétique, ça marche. Regardez ceci, ceux qui deviennent chauves ou qui perdent leurs cheveux, les hommes, les femmes aussi. La femme va souffrir beaucoup plus que l'homme si elle perd ses cheveux, parce que c'est pas normal. L'homme va souffrir, même si c'est normal, moins que la femme. Mais on parle encore juste d'esthétique, il n'y a pas question de recherche d'intelligence là-dedans. Je connais des gens, moi, qui se sont achetés des verres de contact. C'est pas qu'on ait des problèmes oculaires, ils voient très bien. Mais ils veulent des yeux bleus, puis ils ont des yeux verts. Alors ils mettent des verres de contact, colorés, clouc, clouc. Tout à fait neutre, puis maintenant ils ont les yeux qu'ils voulaient en fait depuis longtemps. Là, ils se détruisent la cornée, il faut qu'ils lavent. Ils sont heureux. Bon, chacun son bonheur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, à l'interne de l'humain, il y a une âme qui a expérimenté des conditions au niveau de son éducation, qui a expérimenté des choses et qui maintenant a appris une chose fameuse, formidable chez, qui existe à peu près juste dans le règne de l'humain. Il a appris à souffrir. C'est-à-dire qu'il a appris à supporter des karmas qui ne le regardent. Tantôt, tu as mentionné que le karma des vies antérieures était très, très minime. C'était un petit pourcentage. Lorsque tu parles de petit pourcentage, est-ce que tu parles de petit pourcentage d'individus qui le vivent ou tu parles juste dans l'ensemble? Non, ce que je veux dire, c'est que toi, tu t'en viens à cheval, tu roules, puis tu rentres en état d'ébriété dans un village, puis là, tu fouettes tes quatre chevaux, tu sais. Et puis, tu rentres tout croche, tu traverses, puis là, tu renverses du monde, tu renverses des bebelles, et finalement, tu tues quelqu'un. Et après ta mort, tu te réincarnes aujourd'hui. Est-ce que nécessairement il faudra qu'une auto italienne, du 4 chevaux, là, parce qu'il en fabrique, te renverse aussi, te tue, parce que tu as tué quelqu'un, il faut que tu meurs. C'est bon. Souvent, les gens, c'est ce que les gens pensent au niveau du karma. Il y a une poque sur ton char, ah ben j'ai dû poquer un char, m'en donner quelque part. Bon. Tu n'es handicapé, il y a quelque chose, une vie antérieure que tu as faite, c'est pas correct. Et là, on prouve avec ça, avec par exemple la régression dans les vies antérieures par l'hypnose, où on t'envoie des vies antérieures, on t'envoie finalement dans le monde de la mort, là où il y a les mémoires, et là, on peut te faire compte. Toujours dans le monde de la mort, là, on t'envoie voir qu'effectivement, il est arrivé ceci parce que dans une vie antérieure, tu as fait cela. Et comme j'explique souvent dans le séminaire, c'est que moi, je suis en état d'ébriété, et je m'en viens avec mon char, je monte sur le trottoir, puis je te tue. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra qu'un gars vienne me tuer pour que je paye. Le gars qui vient me tuer, vient de me tuer, il faut faire qu'il paye. Puis le gars qui va le tuer, il faut faire qu'il paye. Puis le gars qui le tue, il faut qu'il paye. Peut-être qu'un jour, toi, tu vas le tuer pour payer. Puis finalement, moi, t'as retué parce que tu l'as tué. Puis là, il va m'en demander. Karma des vies antérieures. Non, tantôt, tu as mentionné qu'il y en avait un peu pourcentage. Dire... C'est ce que je veux savoir. Oui, c'est ça. C'est que le karma des vies antérieures que l'on paye, c'est minime, puis toutes les conneries qu'on a pu faire dans les vies antérieures, ceux qui y croient, n'ont aucune conséquence sur la vie actuelle. C'est minime. Pas du point de vue individuel, du point de vue collectif. C'est minime pour chaque individu. Chaque individu. C'est pas minime pour une partie d'individu. Chaque individu. Alors, si vous avez les cheveux marrons, c'est la génétique de vos parents. C'est un karma collectif qui est un karma familial. C'est pas un karma des vies antérieures individuelles. Qu'est-ce qui fait que un homme vient au monde dans un corps d'Einstein et un homme vient au monde dans un corps d'un... d'un hobo, par exemple? Ben, c'est très, très, très, très simple. C'est que le corps physique est en constitution. Le spermatozoïde et l'ovule vont commencer à se multiplier. Et puis, se multipliant, ben, ça engendre un mixage génétique entre la mère et le père. Et puis, le mélange génétique va déterminer qu'est-ce que va être le corps. Et selon la croissance du corps, du monde de la mort, par un canal réincarnationnel, va se réincarner au fur et à mesure, parce que ça se réincarne 24 heures sur 24 toute notre vie, et ça se réincarne lentement dedans, et c'est le corps physique qui va simplement attirer les mémoires réincarnationnelles. Donc, en partant, il n'y a pas d'individu qui peuvent dire, ben moi, je suis pas chanceux, moi, je suis né dans un corps qui n'est pas intelligent. L'âme qui habite le corps pas intelligent est un âme qui n'a pas besoin d'un corps intelligent. Donc, le gars, il est bien correct. Alors, prenons l'exemple d'un Mongol. On peut dire à ce moment-là, Daniel, que le corps qui a attiré l'âme d'Einstein avait un beau karma à vivre. Pourquoi? Einstein a vécu un beau karma, Einstein? C'est facile de s'amuser comme ça. Et puis, en plus, qui est très important, celui qui vient au monde, beau, mais beau, couvert de richesses, on va être donc, de l'or, de la mire et de l'encens, de ta gaillette. Et puis, il y a un génie à l'école, quotient intellectuel 300. Et puis, bien ajusté, fait qu'il ne monte même pas à ses professeurs pour ne pas les frustrer. Et puis, à 12 ans, il gagne 1 million à loterie, qui est placé pour quand il va avoir 18 ans. Et finalement, il vit bien, puis il vit 200 ans, puis il n'a jamais été malade, puis il a toujours tout ce qu'il voulait, puis il y a un beau karma. Puis après ça, ça ne te regarde même pas, ça. Qu'est-ce que tu veux foutre avec le gars qui veut? Ça ne te regarde même pas, ça. Tu n'es pas ni dans ce que tu es pogné, toi. Puis tu dois t'organiser avec ce que tu dois t'organiser. Ça n'a vraiment rien à voir que l'autre fasse quelque chose. Rien à voir. Puis là, si on dit oui, mais lui, sa carte du ciel, tabarnouche. Il n'y a pas un as qui est capable de créer. Les as, ça crée des désastres. Mais ça prévoit juste des malheurs. Alors, ça n'a rien à voir. Puis là, on va dire oui, mais ses parents, s'il fait ce que tu voudras, c'est une perte de temps. Ça ne changera rien. L'important, c'est que toi, tu continues à souffrir, tu continues à avoir des misères exclusivement parce que tu fais tout pour continuer à en avoir, parce que tu fais tout pour continuer à souffrir. C'est facile à dire. Mais c'est facile à faire avec, tout le monde le fait. Maintenant, pour s'en sortir, il faut arriver à comprendre des mécaniques. Premièrement, essayer de comparer du point de vue émotif. Mon auto est toujours en panne, je me rends compte qu'il existe des autos qui ne sont pas toujours en panne. Mais je ne me dis pas, maudit, que je ne suis pas chanceux. C'est pas question de chance. Bon. Alors, à un moment donné, tu vas finir par essai et erreur, apprendre certaines choses. Puis si tu connais certaines lois de conséquentialité, de karma, tu vas être capable maintenant d'économiser, d'étudier un peu les mécaniques, de prendre le temps pour aller voir un mécanicien avant d'acheter un autre minoune, de faire des choses qui te vont dire, oui, mais c'est une perte de temps. Perds-en du temps là pour en gagner après. Et là, tu vas être capable de changer ton karma. Parce que le karma d'un individu, ce n'est pas quelque chose qui est attribué à un individu, c'est un karma collectif. Alors, on lance de l'eau. Ceux qui restent là se font mouiller, ceux qui s'en vont se font moins mouiller, puis ceux qui sont déjà partis ne sont pas mouillés. Mais c'est pas question de dire, oui, mais c'était mon karma d'être mouillé. C'est vrai que c'est ton karma maintenant, que tu es mouillé. Ce n'était pas avant, ce l'est maintenant. Alors, l'individu n'est pas assujetti et restreint à un karma qui devra traîner avec lui puis supporter tout le temps. Sauf le karma que tu crées toi-même, qui se trouve à être différé. Tu pourras encore en éliminer une partie en déménageant, entre autres. Mais tu ne peux pas déménager de corps physique. C'est donc une des régions karmiques où on doit faire le plus attention, payer maintenant, c'est-à-dire s'organiser pour l'entretien. Je ne pense pas que le juif qui était pour entrer dans les portes d'un faux crématoire à Treblinka était d'accord avec toi. Quand il y a quelqu'un qui constatait que c'est les 5 dernières minutes... Il ne peut pas être d'accord avec moi parce que lui était convaincu qu'il payait pour un paquet d'affaires, puis qu'il était rare, puis j'avais son karma à vivre. Tu sais, les jeunes là, qu'on a pris en Iran, puis qu'on envoyait sur les champs de bataille contre l'Irak, on les envoyait dans les champs de façon à ce qu'ils fassent sauter les mines, faire passer les chars d'assaut iraniens par la suite. Ces enfants-là, ils n'étaient pas d'accord avec moi non plus. N'empêche qu'ils supportaient un karma relatif de leur égrégore qui fait que pour aller au ciel, il faut que tu meurs en tuant des infidèles ou sur un champ de bataille. Deuxièmement, ils portaient un karma collectif familial qui fait que l'honneur de la famille est crime, c'est génial. Les parents sont honorés. Troisièmement, ils portaient un karma collectif du fait que la nation complète voit absolument cela. Celui qui le fait pas, t'as rien, ça n'a pas d'allure. Il est handicapé, il est possédé, il est n'importe quoi. Alors, il s'en allait là-bas. Et voilà, il n'est pas d'accord avec moi. Sauf que c'est exactement ce qu'il fait, par exemple. Celui qui est pris, il est difficile d'être d'accord avec moi. Tu sais, un alcoolique d'accord avec moi, l'alcoolique paye un karma collectif. Donc, ça la regarde même pas qu'il soit alcoolique. Occultement, tu as déjà expliqué justement qu'un alcoolique paye un karma collectif, justement. Il absorbe une partie de karma pour de karma noir pour bon, permettre à d'autres. Juste une chose, moi, oui. C'est que quand une personne boit, elle fait en sorte qu'un autre ne boit pas. Okay? Quand une femme se fait violer, pourquoi moi? Pour rien. Tu t'en regardes même pas, ça. Maintenant qu'il y a un gars qui a accumulé toutes les visualisations hypocrites d'un paquet d'hommes, l'a placé sur toi, puis que peut-être qu'il s'est fait ramasser par la police, il n'y a pas quatre femmes maintenant qui sont libres. Les rues deviennent plus sécuritaires. Et pourquoi moi? Voyons donc, pourquoi toi? Parce que t'es là. Le gars, t'es quand même pas violer un char ou un mur. Il n'y a aucune autre raison. C'est pas parce que tu as fait des choses particulières. Quand on dit, bon, parle de religion encore, Dieu t'a puni. Hein, non. Dieu t'a pas puni. Prenons l'exemple de, si on veut juste parler de Dieu, tu sais, de Sodome et Gomorre. Éliminons le Gomorre. Il y en a un qui s'en va, qui s'appelle Lot, la seule chose que Dieu demande, regarde pas en arrière. Oh, c'est un gros péché. Toute la gang, ils ont fait plein d'affaires. Elle a regardé en arrière. Elle est une petite salle, on peut aller la visiter. Faites ça vite, les plus acides de la gruge. Bon. Mais quand même. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, l'humain va se sentir coupable. L'humain va chercher. L'humain continue à payer. Alors, là, il y aura des femmes qui vont aller voir cette femme-là, qui vont dire, je te comprends, je passe c'est par là. On essaie de diluer son karma. C'est bon! Si elle pourrait comprendre qu'elle ne doit pas maintenant souffrir parce que nous sommes là pour la supporter. Oui. Toi, tu parles d'un point de vue supramental, d'un point de vue sans émotion complètement. C'est plus facile à comprendre de ce point de vue-là, mais les gens qui ont à vivre ces karmas-là, ils les vivent émotivement. Ils les vivent émotivement, et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont des karmas émotifs à vivre. Le karma que l'humain vit est un karma qui est à presque 100% un karma émotif. Et il le vit émotivement parce qu'il se plaît à le vivre, il s'y attache à son karma, on s'attache à ses problèmes quand même. Qu'est-ce que c'est qui fait d'abord que... Moi, j'en connais qu'on est vieilles autos, puis qui ne veulent pas les vendre, puis qui ne veulent pas s'en débarrasser. Pourquoi? J'y viens de mettre un démarreur neuf, tu sais, je peux quand même pas vendre mon char, puis il m'a donné pape. Et là, je viens de changer les freins, tu sais, là, elle devrait être bonne pour 2-3 semaines. Cherchant les problèmes. Je sais que lui-même ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour continuer à ne pas changer. C'est pas une raison pour arriver à faire du ménage autour de soi. La journée que tu fais du ménage, tu prennes le balai, tu sapoussières, tu mets un masque, tu peut-être passes le respirateur, bon. Ça va. Le gars peut aimer changer son radiateur, son muffler, son moteur. C'est ce que le gars va se dire. Et puis ainsi de suite. Mais par contre, c'est pas nécessairement toutes les femmes qui ont aimé se faire violer. Effectivement. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence entre une femme qui se fait violer et un autre qui ne le fait pas? Vois-tu, les femmes vont dire, « Ouais, tu parles bien, t'es un homme. » Mais de toute façon, la femme qui se fait violer, elle a juste à pas haïr ça. Elle n'a plus aucun karma à payer sur le moment. On va dire, ouais. OK. Il y a une femme qui me voit à un moment donné. Une femme qui me voit à un moment donné. Là, tu viens de parler d'après l'acte. Non, pendant. Ah, OK. Comment voulez-vous vous débarrasser d'un violeur? Soyez qu'on s'entende. Il va-tu prendre plaisir? Là, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. Le taper, crever les yeux, le mordre. Mais on le voit. C'est prouvé qu'il n'est pas capable de rien faire. Mais tant que tu te défends, c'est plus fort que toi. Christy, il aime ça. C'est prouvé qu'il n'est pas capable de rien faire. Le gars, il va même pas te lâcher. Puis tu dis, ah, ben, maudit, ça fait longtemps. Puis en plus, tu peux lui dire, moi, je suis. Je partage mon karma avec le sida. Il te gueulera peut-être pas. Sauf qu'il répond, ben, moi avec! Ah, ben là, t'es fait. Mais en tout cas. Les choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Quand un événement arrive, crie, boy, pète, rouspète, ça ne change rien à l'événement. Qu'est-ce que c'est qui fait que, justement, il y a quelqu'un qui va avoir la vitesse d'esprit de dire, la femme qui va dire devant le violent, j'ai le sida, puis lui, il l'a pas. Et puis, ce qui avantage la femme, donc l'autre. Bon, dans le cas de la majorité des femmes, en tant que réaction, disons, suffisamment rapide pour dire, faire croire à un gars que, tu dis pas j'ai le sida, tu dis, si t'es capable de te mordre, puis ça saigne. Là, tu dis, j'ai le sida, mon esti, puis moi, t'es tiré dans le face. T'es mordu, puis ça saigne, oh, le gars va être sûr en tabarnouche que tu l'as le sida. Mais là, OK. Ah, non, mais c'est pas de ça que je parle. Non, je sais, mais je donne un exemple, là. C'est pas de ça. Je sais, je réponds. Pour qu'une femme puisse arriver à réagir d'une façon efficace, elle devra préparer ce que j'appelle, moi, une mémoire d'intervention. Habituellement, l'humain sur la planète présentement n'est pas suffisamment maître de son système émotif pour être capable d'agir d'une façon réellement efficace dans un cas de ce genre. Alors, si l'individu prépare une mémoire d'intervention, autrement dit, il instruit son ego de dire cela en coque, exactement comme celui de la femme, par exemple, qui n'est pas forte, mais qui va apprendre ce que dernièrement on a inventé, le defendo. Defend, je ne sais pas de quelle langue que c'est, do veut dire voix, bon, en japonais. Alors, le defendo, elle apprend à lever le genou, elle apprend à donner ceci, cela. Il faudra qu'elle pratique suffisamment de fois pour avoir une mémoire d'intervention pour être efficace à se faire attaquer. Sinon, psychologiquement, elle ne pourra même pas. C'est comme le jeune de 12 ans qui va suivre des cours de karaté en cas qu'un adulte attaque. Psychologiquement, ça reste un adolescent, il ne pourra rien faire avec son karaté. Bon. À moins qu'il développe une mémoire d'intervention qui va faire en sorte que même s'il n'est plus là, que le corps réagisse pareil. Un exemple, si il fait du judo, qui est sans doute le meilleur système de défense, premièrement, qu'on devrait apprendre, parce que à coup de poing, c'est bien intéressant, mais si tu n'as pas psychologie pour, le moindrement que tu es trop collé, tu ne peux plus réagir. Par contre, au niveau du judo, qui est un sport de combat totalement à 100% efficace, c'est-à-dire que quand on fait un combat, le combat est réel. En karaté, tu ne peux pas taper sur l'autre réellement, donc tu apprends à te frustrer. Ah, t'arrêtes après, tu vas avant. C'est possible. En judo, donc, tu y vas. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'une femme qui fait pratique du judo et qui devient suffisamment efficace, je ne parle pas d'un judo sexiste où la femme a fait des katas parce qu'elle a fait de combat, là. Donc elle apprend elle aussi. Mais la journée qu'elle va se faire attaquer, elle ne peut pas rien faire. L'individu l'accorde d'un coin, elle va penser à son judo, elle ne peut pas rien faire. L'individu l'accroche par le collet. Là, la mémoire d'intervention peut embarquer parce que quand elle fait son combat, elle est en contact. Même si psychologiquement, elle n'est plus là pantoute, elle peut faire un mouvement, elle peut se défendre. Alors, ça, c'est une mémoire d'intervention. Au niveau oral, c'est la même chose, c'est de développer suffisamment par la pratique. Tu ne pratiques pas de faire violer pour arriver à développer ça. Mais tu prévois simplement déjà une structure que tu vas faire ou que tu vas dire en cas de. Alors, une journée, tu te remets dans une ruelle très sombre et puis tu te dis, si je rencontre un gars, ben, tu prépares ta mémoire d'intervention. Et à un moment donné, même, c'est carrément manipulé par ton karma. Peut-être que ton karma, tu le paies, tu le vivras pas. Mais ça ne change rien. Le karma est une farce. L'individu se paie le luxe de le supporter. Le karma est une farce. C'est facile à dire pour toi et c'est présent. C'est facile à dire. C'est facile à dire pour tout le monde. Étant sur stage, mais c'est facile à dire. La femme qui s'est faite violer, c'est pas aussi facile à dire que tu viens de dire. Peut-être que certaines femmes peuvent le faire. Mais ils sont très rares, je pense. Je comprends ce que tu veux dire. Mais prenons l'exemple. Et moi, ce que je veux en venir, c'est ces gens-là qui vont souffrir un karma d'avoir été violés. Comment peuvent-ils le transmettre? Y a-t-il quelque chose? Oui. Premièrement, la personne, déjà, c'est le karma. Premièrement, la personne qui s'est fait violer, elle, normalement, elle est entourée d'un paquet de personnes qui vont vouloir l'aider à supporter. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lui permettre d'accepter mieux ce qui s'est passé. C'est bien la preuve que le karma est qu'une farce. Si tu l'acceptes, tu le transmutes. La personne qui doit améliorer, bon, ben là, on n'a pas eu bien de temps, l'heure a passé plus vite que prévu. La Terre a dû tourner un peu trop vite. On revient à la deuxième partie, je vais expliquer les façons de transmuer morceau par morceau, karma par karma, puis après ça, on répondra aux questions. On fait une petite pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, vos questions sont les bienvenues.